je te réveille avec le bout d'un glaïeul, la tige d'un lilium, le piquant d'une rose. Avec mes mains prêtes à la caresse ou à la gifle, avec un café crème et deux croissants, la couleur du ciel, un enfant, deux oiseaux qui font l'amour en chantant, avec ma voix irritée, impatiente, autoritaire, tyrannique, suppliante, debout. Voyons, ne dors pas comme ça tout le temps. Tu fais des comédies. Je t'envahis comme les enfants le lit de leurs parents, comme une sauvage et un assassin. Je bouscule tes rêves, la nausée de ton corps, pour que tu sursautes et que tu ouvres un œil lourd, tout de suite refermé. Encore, tu paraisses nostalgique du néant, Harun Taziev éteint. Je t'offre une cigarette, un air de guitare flamenco, la musique de Miles Davis, le froid du petit matin, le vent du large qui fouette la peau, mord le visage, irrigue les cellules. Je te réveille avec le journal radiophonique et l'heure toutes les deux minutes, avec la publicité casse-oreille et le bruit des klaxons. Viens, lève-toi, on va tout rater. Tu marcheras pieds nus sur les cailloux de la cour. C'est bien fait, non? Tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu as donc? Un trou au plexus et la tête lourde et un air de plombier harassé de ne pouvoir trouver la fuite. Experte de cacher en tuyauterie, en machine légèrement faussée, en boussole déréglée. Mais le coq chante, tu ne l'entends pas? Je te réveille au nom du Père, du Fils et du Saint-Frusquin. Je fais pour toi les adieux aux esprits du noir. Tu n'en finis pas, toujours à discuter sur le pas de la porte, le moment où l'important est dit. Je te vole ton orgasme du matin, après une nuit avec l'invisible. Tant pis, je pique ton corps avec des aiguilles d'acupuncteur. Reviens, ne reste pas à travailler avec les nains. Et le pied est coupé, on peut prendre à travers champ. Je retire brusquement toutes les couvertures. Je fais comme en vacances. Je te vide, t'extrais, te renverse, te secoue, te colle, te harcèle. Je t'éperonne, je t'empoigne, je crête ta tignasse. Debout, debout. Le soleil brille pour tout le monde. Il pose deux raies sur tes jambes moites, un rond entre tes sourcils. Rouge, bleu, vert, or et toutes les couleurs. Il bleuit la pièce, embellit mes bouquets. Le jour est égal à lui-même. Tendre retour, secours. Debout. Ça ne sert à rien de discuter l'évidence. Je t'en prie, sors de ton soupirail noir, gluant, plein d'araignées et de chauves-souris. Le jour est là qui s'en moque. Asperge-toi et bouge. Nous avons des escalades à faire et des fatigues qui effaceront celles que tu traînes depuis ta naissance.